Le Grand-Cahier par Agota Christophe, chapitre 10 à 12. Exercice A. Pourquoi ces chapitres sont-ils importants par rapport à l'ensemble du livre? L'histoire tourne autour de deux jumeaux et elle a lieu pendant la guerre. Elle est écrite à la première personne du pluriel, ce sont donc les jumeaux qui nous racontent leur histoire. Ils habitent en ville avec leur mère, mais la vie y est trop dangereuse et il n'y a pas assez à manger. Leur mère les amène donc chez leur grand-mère à la campagne pour qu'ils soient en sécurité. La mère retourne en ville et laisse ses fils avec leur grand-mère qui les traite d'une manière très dure et sévère. Elle veut leur apprendre à vivre. Sa maison est très simple car elle n'a pas beaucoup d'argent. L'électricité et même l'eau courante manquent. Toute la maison est très sale, de même que la grand-mère qui ne s'occupe pas de son hygiène. Plongés dans une telle situation, les jumeaux doivent apprendre à s'y accoutumer. Pour mieux se préparer à l'environnement dans lequel ils se trouvent, ils commencent à faire des exercices. Ils essayent par exemple de faire du progrès au niveau de leur éducation scolaire, parce que l'école a dû être fermée à cause de la guerre. Cela est décrit dans les chapitres 10 à 12. Ils vont chercher du papier, des crayons et un grand cahier dans une papeterie, et ensuite, ils font des exercices d'écriture et de lecture. Les textes qu'ils écrivent et qu'ils jugent bons sont retranscrits dans un cahier qu'ils s'appellent le Grand Cahier, d'où le titre du livre. Nous, les lecteurs, lisons le Grand Cahier des jumeaux. C'est donc surtout le chapitre 12 qui parle des études des jumeaux qui est très important par rapport à l'ensemble du livre. Le lecteur apprend pourquoi les jumeaux racontent leur histoire d'une manière si distante et sans montrer la moindre émotion. Se priver de toute émotion est pour eux une stratégie de survie. Exercice C. L'interprétation des trois chapitres. La grand-mère ainsi que les habitants du village insultent régulièrement les deux garçons et les traitent d'une façon brutale. Personne ne leur dit un mot gentil. Une des rares exceptions est l'ordonnance d'un capitaine qui vient d'un pays étranger, mais qui parle quand même un peu leur langue. Mais sinon, les jumeaux doivent se débrouiller tout seuls. Ils réalisent cela très vite, ce qui les fait s'entraider même davantage qu'auparavant. Les études deviennent l'une des stratégies qu'ils emploient pour gérer la situation précaire dans laquelle ils se trouvent. C'est leur manière de trouver une place dans un monde empreint de guerre. Un monde qui, dans ce cas-là, les empêche d'aller à l'école. Ils apprennent vite que c'est en travaillant ensemble qu'ils vont faire du progrès au niveau scolaire. Mais les études qu'ils font vont au-delà d'une pure amélioration de leur capacité intellectuelle. Les compositions qu'ils écrivent deviennent leur manière de voir et surtout de décrire le monde et les événements desquels ils sont entourés. Les jumeaux s'interdisent d'utiliser dans leurs textes des expressions affectives. Ils prennent de la distance face à ce qui se passe et à ce qu'ils font. Ainsi, ils se distancient de leur enfance et deviennent des adultes qui ne connaissent ni pitié ni chaleur humaine. Cela est clairement une réaction à leur environnement dur et abrutissant. Un environnement qui est d'ailleurs miroité et reproduit dans leur propre comportement. À la fin, les mots de leur père, qu'il a formulés 3 ans plus tôt, reviennent forcément à l'esprit. Ils vivent dans un monde à part, dans un monde à eux. Tout cela n'est pas très sain, c'est même inquiétant. Oui, ils m'inquiètent, ils sont bizarres. Ces phrases y figurent comme une sorte d'annonce de ce qui adviendra des jumeaux juste quelques années plus tard.